Alors, je vais donc vous parler de l'année 21 de manière très précise, très restreinte, et des livres qui ont été publiés en 1721. Je vais justement m'interroger là-dessus. Alors, c'est une approche qui est un petit peu particulière, et je voudrais d'abord évidemment attirer l'attention sur quelques problèmes méthodologiques. Et aussi, pour prendre la suite de ce qu'a dit Philippe Pourcade, c'est une année où il y a un certain nombre de phénomènes relativement violents. Cette régence dont on a souvent dit qu'elle était le joli temps de la régence, c'est une période où l'on a vu donc, la banqueroute du système de l'eau en juillet 1720. Et c'est le traumatisme de l'année, le traumatisme et celui aussi donc de la liquidation du visa, donc au cours de l'année 1721. Et comment est-ce que je conçois cette recherche sur les livres? C'est un coup de sonde, en quelque sorte, dans les sensibilités de l'époque. En sachant donc que les imprimés ne reflètent, donnent une certaine image de cette sensibilité, mais évidemment n'en reflètent pas les événements. Philippe a évoqué Cartouche tout à l'heure, Cartouche avec tous les hauts faits qu'il a commis, après tous les hauts faits qu'il a commis depuis un certain nombre d'années, est arrêté le 14 octobre 1721. Il est exécuté le 28 novembre. Ça s'appelle une justice rapide et efficace, condamné à avoir les jambes, cuisses, bras et reins rompus vifs en place de grève et être roué face vers le ciel. Eh bien, beaucoup de retentissements, évidemment, de l'affaire Cartouche, beaucoup de retentissements dans les chroniques, mais du point de vue des imprimés, eh bien, un seul imprimé, à ma connaissance, est daté de 1721, avec Cartouche et les voleurs de Legrand, dont Justine nous parlera sans doute, qui est donné le 21 octobre, une semaine après l'arrestation. Et en fait, le 20 octobre, il y a eu une véritable course entre deux dramaturges, entre la Comédie italienne et la Comédie française, et la Comédie italienne a coiffé sur le poteau la Comédie française. Mais tout cela fait qu'il reste, en tout et pour tout, un imprimé daté de 1721 à propos de Cartouche, alors que c'est une énorme affaire qui a connu beaucoup de développement et une véritable légende, suscitant un flot d'imprimés, mais à partir de 1722. Donc, première restriction méthodologique, est-ce que nous avons véritablement un reflet de ce qui s'est passé en 1721? Eh bien non, puisque précisément il y a un décalage chronologique. Autre difficulté de méthode, toute coupe chronologique, quelle qu'elle soit, implique une part d'arbitraire. Alors, si on prend le système de l'eau, évidemment, c'est parfait. La liquidation commence le 2 janvier et se poursuit toute l'année. Mais malheureusement, ce n'est pas ça du tout pour les imprimés, d'autant que nous savons que les imprimés portent le millésime en fin d'année, portent le millésime de l'année qui suit. Donc, si je prends les ouvrages qui portent l'année 1721, je suis sûr d'avoir tout faux. Deuxième difficulté méthodologique. Autre problème, sur quels outils bibliographiques puis-je m'appuyer? La tradition solide voulait qu'on se référât à Pierre Conlon, le répertoire que vous connaissez, la bibliographie chronologique, très bien, qui fournit 711 titres pour cette année 1721. Mais ce répertoire date de 1983 et il est, évidemment, c'est extraordinairement savant, mais il est dépassé, évidemment, depuis que nous avons accès à des catalogues informatisés. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas répertoriés par Conlon. Bon, nouvelle difficulté. Doit-on faire appel à tous les catalogues informatisés du monde? Et tout simplement, contentons-nous déjà de celui de la Bibliothèque nationale de France, ce n'est déjà pas mal. Mais il y a un problème, puisque ce qui est répertorié comme imprimé n'est pas forcément... disons, tous les établissements ne considèrent pas comme imprimé la même chose. Par exemple, j'ai vu apparaître dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France toute une série d'arrêts du Conseil, donc d'abord qui sont identifiés comme étant chaque fois une publication, et, alors que, évidemment, Conlon ne les prenait pas en compte. Et par ailleurs, le catalogage des pièces uniques, enfin le catalogage individuel, c'est-à-dire que vous avez une estampe, aussitôt ça devient un ouvrage imprimé dans les catalogues. Donc il est impossible de faire une synthèse de tous ces catalogues. Je me contenterai donc de prendre Conlon comme base et de jouer avec les différents compléments que je peux avoir par des catalogues informatisés. Encore un problème méthodologique. Je n'ai que des problèmes méthodologiques, vous allez voir. Mais justement, ce sera peut-être le seul intérêt de tout ça, c'est d'évoquer tous ces problèmes méthodologiques. Tout ce qui s'attache à l'objet livre quand on travaille sur le contenu, parce que c'est quand même les contenus qui nous intéressent. Une thèse en latin de 8 pages qui aura été lue par les seuls professeurs chargés de l'examiner occupe présente quantitativement autant d'intérêt qu'un roman que tout le monde se sera arraché. On voit parfois paraître un flot de brochures fantaisistes. Donc, quand j'avais travaillé sur l'année 1748, j'avais intitulé mon travail « L'année merveilleuse », parce qu'il y avait eu un pamphlet de l'abbé Coyer qui portait ce titre-là, auquel on avait répondu par la suite de l'année merveilleuse, et puis contre l'année merveilleuse, et après l'année merveilleuse, etc. Donc ça a beaucoup intéressé le public, et en même temps, on était l'année de l'esprit des lois, personne ne parle de l'esprit des lois à ce moment-là, surtout qu'il est paru en fin d'année, mais donc, qui aujourd'hui a lu l'année merveilleuse ? Bon, on ne va pas dire qui a lu l'esprit des lois, tout le monde. Mais en tout cas, l'année merveilleuse, c'est sûr qu'il risque quand même d'y avoir moins de lecteurs. Mais cette année merveilleuse m'avait intéressée parce que c'est aussi ce qu'on appelle de manière extrêmement vague l'esprit du temps. Notion vague, en effet, mais c'est de cela que sont constituées les sensibilités. Et je m'intéresserai aussi pour compléter à ce que l'on peut appeler l'effet Diana, plutôt l'effet Diana, l'effet Lady Di, si vous préférez, parce que, justement, j'avais travaillé en 97 sur cette publication sur l'année 98, enfin, de l'année 98 pour l'année 1748, voilà, je vous restais du tout, et Lady Diana est morte le 31 août 1997. Eh bien, évidemment, au regard de l'histoire, la mort de Lady Di, ce n'est rien. Et j'ai eu la surprise, en faisant des sondages autour de moi, de constater que beaucoup de gens se rappelaient que c'était le 31 août 1997. Ils se rappelaient ce qu'ils faisaient ce jour-là. Et alors évidemment, pas les plus jeunes, mais si l'on fait un sondage dans la salle, je suis sûre que Lady Di, beaucoup de gens se rappellent qui est Lady Di et comment elle est morte. Et où elle est morte. Faites un sondage. Donc, de l'intérêt de prendre ce qui n'est pas un événement historique, mais évidemment de réfléchir à partir de là sur ce qu'est un fait, sur ce qu'est un événement, ce qui le constitue comme événement. Et de ce point de vue, je me rapproche évidemment de tous les gens qui travaillent sur l'histoire de la presse, puisque c'est de cela qu'est constitué leur quotidien. Alors après tout ça, on pourrait dire que, bon, entre les événements qui n'en sont pas, entre les catalogues qui ne sont pas fiables, l'idée d'accéder à l'esprit du temps, qui est une notion complètement floue et qui peut servir à tout et à rien, les problèmes de comptabilité des... Après ça, on pourrait dire, bon, bah, il faut peut-être mieux s'arrêter là, hein, on va peut-être faire l'économie... d'une communication avec en plus le fait que vous pensez bien que les 711 imprimés de 1721, vous pensez bien que je ne les ai pas tous lus. Aurais-je voulu le faire, que ça m'aurait pris non seulement beaucoup de temps pour les lire, mais également beaucoup de temps pour aller les voir, car Conlon a répertorié des ouvrages qui sont... Bon, un opuscule conservé à la bibliothèque de Colmar, un autre qui est cité par une bibliographie, par la bibliographie de Sonnerwogel. Donc, c'était infaisable. Donc, je vais vous parler quelquefois de livres que je n'ai pas lus. Mais néanmoins, donc, je pense quand même que j'arriverai, en complétant évidemment cette information par toutes celles que l'on peut avoir par les chroniqueurs, etc., peut-être voir si nous sommes bien dans une période de renouvellement, de révolution silencieuse, d'autres choses, et peut-être nous pourrons également nous confronter à ce que dit Saint-Simon. Alors, sur la, et alors notamment pour dépasser la difficulté de ces chiffres flottants autour de 700, j'ai résolu en fait de ne repérer que les très grandes tendances pour qu'on ne puisse pas m'accuser de m'appuyer sur des chiffres douteux. Enfin, on peut toujours m'accuser de m'appuyer sur des chiffres douteux, mais au moins j'essaierai de ne pas trop les déformer. Alors, remarque générale sur cette production imprimée de 1721, la très forte présence d'écrits relevant de la religion en raison de certains événements qu'a évoqué Philippe. Donc, présence de la religion, résistance du latin, mais résistance seulement apparente, à mon avis, puisque le latin est désormais cantonné à certains domaines, intérêt pour les belles lettres, et puis un événement majeur, évidemment, la fameuse peste. Et j'en profite pour saluer Jean-Pierre Poussou en promettant que j'essaierai de ne pas trop déborder sur sa partie. En tout cas, pour la publication, nous nous arrangerons pour ne pas déborder. Sur à peu près 700 ouvrages datés de 1721, une centaine est en latin. Donc, ça paraît absolument énorme. Mais en fait, ça nous permet d'observer aussi les biais statistiques que j'ai évoqués. Sur cette centaine, le quart est constitué de thèses de droit de l'Université de Strasbourg. Autour de 20-30 pages in quarto, donc vraiment petits ouvrages, et évidemment, donc, à Strasbourg, que se passe-t-il? Un bastion d'irréductible latiniste refusant l'oppression des Gaulois? Ciel! Alors, c'est vrai que Strasbourg n'est française que depuis 1681 et l'université a gardé ses règlements propres. La langue allemande y règne, mais les thèses d'ailleurs, qui en fait sont rédigées, j'ai découvert ça, c'était mon ignorance de la chose académique, qui sont rédigées par les professeurs et destinées à être défendues par les étudiants. Je précise que ce n'est pas un modèle que je préconise, puisqu'il y a là des doctorants. Donc, les thèses à Strasbourg peuvent être publiées en latin. Et évidemment, avec l'importance du droit romain dans le cursus, ce n'est pas complètement illogique, mais on en retiendra avec cette surreprésentation absolument aberrante qu'il y a, surtout à ce moment-là, à l'Université de Strasbourg, une volonté de publier certainement des spécialistes pourraient éclairer. À peu près les mêmes chiffres, donc parmi les productions en latin, les thèses de médecine, j'en ai relevé 28, et plus quelques ouvrages scolaires, des thèses de théologie, et tout cela fait donc que, grosso modo, 80% de la production en latin ressortit au domaine, sinon de la science, du moins de l'étude. Et le latin n'est délibérément choisi que par l'érudit Spicilegium de Don Luc d'Achery et aussi par la Bibliotheca Prousteliana, qui n'est pas la bibliothèque de Proust, mais la bibliothèque de Guillaume Prousteau, doyen d'Orléans, de l'Université d'Orléans, qui a été confiée à un couvent en 1714. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant qu'on ait un catalogue en latin au moment même où on prétend, où on veut ouvrir cette bibliothèque au public. Cette bibliothèque est considérée comme la première bibliothèque publique d'Orléans. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'ouvrir au public? On en publie le catalogue en latin. Le moins qu'on puisse dire est que c'est un mouvement contradictoire. Alors, le latin est aussi la langue de l'Église, mais donc, je disais, j'ai mis sous le chef de la religion, de manière extrêmement grossière, effectivement, tout ce qui a trait à la religion catholique. Je trouve près d'une centaine d'ouvrages qui relèvent de ce chef. Évidemment, l'essentiel est constitué de mandements d'évêques, de célébrations, de manifestations diverses, par exemple envers les pestiférés de Provence, etc. Mais j'en reparlerai. Et puis, il y a évidemment la mort d'un pape et surtout l'élection d'un nouveau. Cela fait beaucoup écrire. Il y a aussi un jubilé, donc il y a toutes sortes de raisons. Et puis, évidemment, le jansénisme. Le jansénisme qui fournit un certain nombre de productions, mais beaucoup qui ne sont pas véritablement destinées à rester dans les mémoires, puisqu'on est dans un contexte éminemment polémique. Et un des seuls ouvrages datés de 1721 qui ait une véritable force, enfin qui soit davantage resté, c'est ce qui a été connu sous le nom de Lettre des sept évêques, des évêques appelants qui demandent au nouveau pape la rétractation de la bulle Unigenitus de 1713. Selon l'avocat Mathieu Maret, c'est un chef-d'œuvre de précision et de véhémence, philo-janséniste Maret, mais il en désapprouve le ton irrespectueux envers le défunt pape. Autre ouvrage non négligeable de la cause janséniste, qui sera bientôt condamné par l'index, Lettre d'un théologien au révérend père bénédictin des congrégations de Saint-Maur et de Saint-Vannes, etc. Donc, nombreuses protestations, également une histoire de la paix des chiens avec les loups, qui a la particularité de se dire publiée à Pékin. Seul ouvrage publié à Pékin de l'année 1721, et en fait c'est une satire en vers. Et donc ce qui m'intéresse dans cette série d'ouvrages, c'est qu'en fait, ici curieusement, le nombre des libelles est peut-être plus intéressant que leur contenu. Pourquoi? Parce que, donc, on est entré dans une guerre d'écrits relayée par la presse. Évidemment, on a enfin, toutes sortes d'écrits qui bouillonnent. Et si je compare avec la querelle du quiétisme entre 1695 et 1699, elle avait vu s'affronter les grands noms que sont Bossuet et Fénelon, les plus grands noms de l'Église, de grands esprits, de grands théologiens. Le jansénisme au XVIIIe siècle, sur des principes moins théoriques, plus politiques au sens large du terme, se propage dans toute la société, suscitant les réactions indignées de parlementaires, de prélats, mais aussi de curés, de bourgeois, à travers des écrits anonymes, comme la lettre d'un théologien que je vous citais, qui a eu les honneurs de l'index, ou des écrits clandestins comme les Nouvelles ecclésiastiques. Et ainsi s'exprime une voix nouvelle, à la fois individuelle et collective, qui n'a plus besoin de l'autorité conférée par les titres ou par la capacité théologique, et également dont je dois dire qu'elle se dispense du talent rhétorique, quelquefois un peu indigeste à lire. Mais ce qui m'intéresse ici très précisément, c'est cette absence de talent, cette absence de capacité supposée ou reconnue. Parce que, en s'appropriant le droit d'écrire, la contestation janséniste ouvre la voie à une nouvelle forme de remise en cause de l'autorité conjointe de l'Église et de l'État. Elle opère ainsi la transformation du simple sympathisant, lecteur passif qui ne s'exprime que dans un cercle restreint, elle le transforme en sujet actif, diffusant ses idées par écrit. Kant dira sapere aude, on pourrait dire scribere aude. Et il me semble qu'on a là réellement les prémices d'un mouvement qui pourra apparaître comme caractéristique des Lumières, cette appropriation, cette transformation du sujet du lecteur en acteur de l'écrit, et qui révèle la rupture du pacte, qui soumettait les simples citoyens à ceux qui parlaient en son nom. Et le simple citoyen, qui est aussi simple sujet, est aussi quelqu'un, évidemment, qui a droit de s'exprimer, il a le droit à la satire. Eh bien, le jansénisme lui ouvre la voie, le droit à la révolte. Et donc, Robert Darnton avait évoqué autrefois les livres séditieux qui avaient habitué les esprits à repousser les limites de l'autorité et ignorer les interdits. Ces livres séditieux, eh bien, c'est le livre dit philosophique ou pornographique, hein, dont le contenu n'était pas vraiment philosophique, mais qui habituait les esprits à cette liberté. Eh bien, j'ai l'impression que les écrits jansénistes autorisent une autre forme de rupture de ce contrat. Alors, maintenant, évoquons l'effet Diana, qui pourrait peut-être être, qui sera aussi un effet Ricard. Mais pour le moment, un effet Diana, la maladie du roi le 31 juillet, dont Saint-Simon relève qu'elle a été immédiatement accompagnée de soupçons d'empoisonnement. Bon, il est malade 3 jours, il a un gros rhume, voilà, ça peut être un gros rhume du roi, bon, mais... En tout cas, le 3 août, le soulagement est immense et général. Et je le trouve dans ma production imprimée grâce à des poèmes, parfois en latin, des chansons, des actions de grâce. Donc la joie est générale, tout le monde est d'accord. Les chroniqueurs, la presse nous apprend que dans les rues, on chante, on danse. Et les harengères se rendent à Versailles pour offrir à Sa Majesté un esturgeon de 8 pieds de long. Bon, alors, au temps de liesse, Saint-Simon, évidemment, nous trouve la cause de tout cela, c'est la main de Villeroy. Je cite, « Il multiplia les tédéums, qu'il incita les divers états des petits officiers du roi de faire chanter en différents jours et en différentes églises, assista à tous, y mena tout ce qu'il put, et courut encore plus de 6 semaines les tédéums qui se chantèrent dans toutes les églises de Paris. Il ne parlait d'autre chose, et sur sa joie véritable de la guérison, il en a hanté une fosse qui puait le parti et le dessein à ne s'y pouvoir méprendre. Il fit faire force fêtes à Lyon et à son fils l'archevêque, dont il eut soin de faire répandre les relations. » Ah, relations. Alors, effectivement, on trouve dans la production imprimée beaucoup de tédéums de tous les côtés. Bah, le seul problème, c'est que j'en ai pas trouvé un seul qui soit imprimé à Lyon, y compris sur le catalogue de la bibliothèque de Lyon. Imaginons que ce soit perdu, c'est possible, mais peut-être peut-on imaginer que Saint-Simon aurait été partial. Je n'ose le croire. Peut-être méchant envers Villeroy, c'est peut-être trop supposé. Enfin, en tout cas, il est certain que Saint-Simon est le seul à fournir cette interprétation. Et pourquoi fournit-il cette interprétation qui est donc démentie par ce que je relève dans les catalogues? Eh bien, c'est que, évidemment, les manifestations de liesse à propos du roi, qui est donc soutenu par Villeroy, c'est que toutes ces manifestations s'accompagnent de la célébration du roi et de Villeroy et de la détestation du régent, des cris de haine poussés contre lui. Et donc... si Saint-Simon cherche à rejeter sur Villeroy la responsabilité de tout cela, c'est qu'il y a ce qu'il ne veut pas dire, les cris de protestation, la révolte contre le régent. Donc, finalement, cet effet Diana, qui est le gros rhume du roi, est peut-être plus révélateur qu'on ne le croit. Effet Diana, effet Rica, ou effet Usbek, reprendre les noms des personnages, des principaux personnages des lettres persanes. Eh bien, en 1721, c'est l'ambassadeur de la Sublime Porte qui suscite un très grand intérêt et je peux dire que j'ai pratiquement découvert une source inconnue des lettres persanes, car on trouve dans la relation du grand seigneur, puisqu'il l'a écrite, à son retour, on retrouve exactement la même chose, les mêmes expériences que Rica et Usbek en France. Bon, il y a un léger détail, c'est que quand l'ambassadeur turc vient en France, les lettres persanes sont déjà écrites. Donc c'est une sorte de source par anticipation. Je ne sais comment dire, c'est un petit peu borgésien comme idée. Mais en tout cas, le rapprochement des deux textes est tout à fait frappant. Et en tout cas, la curiosité des Parisiens pour l'ambassade de Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, ambassadeur ottoman, donc, cette curiosité a été absolument immense et elle se traduit par une nouvelle description de la ville de Constantinople avec la relation du voyageur de l'ambassadeur de la porte ottomane. Donc, cet intérêt qu'évoquait M. van der Kreuz, que va évoquer Myrtille Méricam-Bourdet, eh bien, tout cela correspond véritablement à une tendance forte, cette tendance de curiosité, tendance évidemment tout à fait majeure. Et l'ambassadeur, donc, on nous en donne un certain nombre de faits et gestes, et donc on va se dire, mais voilà, c'est aussi un moyen d'apprécier la production littéraire. La production littéraire et les spectacles, voilà, une grande spécialité française, quelque chose que l'on montre aux représentants du grand seigneur, mais justement, là, il y a une certaine faiblesse, peut-on dire, dont nous parlera Justine Mangeant. Ce qu'on l'emmène voir, c'est le Thésée de Quinault et Lully, qui date quand même de 1675. Alors, il assiste à d'autres choses, mais toujours des choses qui sont relativement anciennes. Les seules productions théâtrales, alors j'ai déjà parlé du cartouche de la comédie française, et surtout je ne veux pas empiéter sur ce que va dire Justine cet après-midi, mais donc les seules productions imprimées, ce sont celles du théâtre jésuite. Sans vouloir déprécier ce type de théâtre, il n'est pas sûr qu'il y ait énormément de chefs-d'œuvre qui en soient sortis, et puis ce n'est pas un élément de la vie théâtrale. Bon, ce sont des événements mondains, c'est tout ce qui a pu être dit de la formation de Voltaire, etc. Lorsque, en son temps, il était à Louis le Grand, j'estime néanmoins qu'on ne peut peut-être pas surestimer cette production. Les belles lettres paraissent en tout cas très faiblement illustrées en cette année 1721. Donc il y a bien les lettres galantes et philosophiques de Raymond de Saint-Maur, mais je n'en conseille pas la lecture à ceux qui ont envie de se distraire. Peut-être trouveront-elles des défenseurs dans l'auditoire, mais quand on voit ce qui se trouve donc sous le titre de lettres galantes et philosophiques, on voit tout de suite que quand on lit les lettres persanes, eh bien là, tout à coup, on sent un grand courant d'air, hein, un grand air de fraîcheur. Également paraît en 1721 la traduction du Tale of Tub de Swift, le Conte du Tonneau. Et Swift est alors un auteur peu connu, c'est surtout en 1726 avec la traduction des Voyages de Gulliver qu'il va devenir célèbre. Mais il y a là, donc il me semble qu'il y a conjonction entre deux publications intéressantes, donc la traduction du Conte du Tonneau et les lettres persanes, qui ont une particularité. C'est que ce sont des sortes d'objets littéraires non identifiés. Les lettres persanes ne sont pas un roman, ce sont des lettres, mais qui ne correspondent absolument pas justement avec ce que l'on trouve dans les lettres galantes et philosophiques. C'est quelque chose qui est tout à fait hors genre, de la même manière que le Conte du Tonneau, qui est une satire très acerbe envers la religion, ou plutôt les religions, qui multiplie les digressions et qui emploie toutes sortes de moyens. C'est donc, ce sont là des objets hors normes qui franchissent les limites des genres. Mais il est temps que je vous parle, après ces charmes de la littérature, de ce qui constitue le grand événement de 1721. Et c'est à l'origine, nous voulions y accorder plus de place, car je m'étais préparé à énoncer un titre, « De la Perse à la peste », je l'ai dit une fois, je ne le redirai pas, je suis arrivée. Et donc, nous passons à la maladie de Marseille, qui s'est déclarée en juin 1720 et qui est devenue la peste de province. De Provence. Voilà, je n'arrive plus à le dire. Heureusement que j'arrive au bout. Donc, Saint-Simon en traite d'une manière assez rapide en 1720. Ce sont des détails si connus qu'on se dispensera d'y entrer ici. Bon, on reste un petit peu sur sa fin, mais si on se contente de Saint-Simon. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ça a été de voir la véritable flambée de publication. Il y a une flambée de publication qui correspond tout à fait à la flambée de l'épidémie. Il y en avait eu une quarantaine de publications dans le dernier semestre 1720. Il y en a à peu près le double. Donc, le rythme est identique en 1721. Quels sont les domaines? Dans quels domaines s'intéresse-t-on à la peste? Eh bien, évidemment, la médecine. Bon. Où on cherche à observer, expliquer, trouver des remèdes, parfumer les maisons, nous dirions désinfecter. La religion, évidemment, se préoccupe, j'ai déjà évoqué, les prières, les quêtes, les comportements à tenir, surtout quand il faut défendre les oratoriens ou les prêtres qui ont été accusés de fuir lâchement l'épidémie. Donc, multiplication d'imprimés et surtout, ça nous dessine une géographie de la librairie qui est extrêmement intéressante. On imprime à Marseille, à Aix, Carpentras, Avignon, Montpellier, Béziers, Vienne, Grenoble, Lyon, Dole, Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a une géographie qui est celle, non pas des chemins de la peste, puisque la peste, comme on va nous le dire tout à l'heure, évidemment, n'est pas allée jusque-là, ce sont plutôt les chemins de la peur ou les chemins de la menace. Ah, Clermont-Ferrand aussi, et Bordeaux. Également là, pas eu de peste, mais c'est là qu'on imprime. Donc, à Marseille, on imprime même beaucoup. Donc, un renforcement de la librairie provinciale. Curieusement, la peste a un de ses, c'est un des effets. Quel type d'écrit? Eh bien, on trouve beaucoup d'observations, de relations, voire de simples lettres. Pourquoi? Parce que l'événement excède tellement tout ce que l'on a connu que les simples observateurs, les simples témoins deviennent des personnes intéressantes par cela même. Et dans cette appropriation de l'écrit que j'évoquais, eh bien, cela a pu jouer son rôle. Les observateurs peuvent devenir réellement partie prenante du débat, y compris du débat scientifique. Qu'est-ce qu'une expérience au XVIIIe siècle? Pour nous, une expérience, c'est certaines conditions précises qui vont permettre d'observer certains phénomènes, lesquels doivent pouvoir être répétés. C'est le principe posé, grosso modo, par Claude Bernard. Au XVIIIe siècle, le fait de répéter les conditions de l'expérience ne sont pas déterminants. Ce qui compte, c'est la qualité de l'observation. Donc, vous multipliez les observateurs, et des observateurs qui se disent fiables, et ils étaient sur place, ils ont vu les gens mourir autour d'eux. Donc, ils sont de bons observateurs, plus que ceux qui ont entendu parler de la peste, etc. Et donc, la multiplication de ce type d'écrit fait sens en elle-même. Et évidemment, le grand problème de la peste, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas la guérir parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. On a donc, alors, l'impuissance de la médecine, justement, arrive à cette multiplication de production. Et on a donc deux écoles, on a les contagionnistes, et les non-contagionnistes, car aussi curieux que ça puisse paraître, l'idée que la peste puisse être contagieuse n'est pas partagée par tout le monde. Certains considèrent que la peste peut venir de la corruption de l'air, et que même c'est la peur de la peste qui fait mourir. Et ça, c'est la position dominante, par exemple celle de Chicoineau, gendre de Chirac, premier médecin du régent. Et en face, on a les contagionnistes, parmi lesquels le fameux médecin, enfin celui qui deviendra fameux, Astruc. Mais les contagionnistes se divisent entre partisans des miasmes, partisans des corpuscules, les vers ou les insectes invisibles. Alors, on se dit que ces derniers sont véritablement les modernes, les rationalistes, ceux qui ont parfaitement perçu quels étaient les modes de contagion de la peste. Oui, sauf évidemment, on est 150 ans avant Pasteur et 180 avant Yersin. Hein. Donc, on n'a absolument aucun moyen de comprendre le fonctionnement réel de l'épidémie. Et donc, on voit que ceux qui sont partisans, ça c'est quelque chose qu'avait très bien étudié Jean Hérard en 1957, hein, ce que je dis n'est pas tout à fait neuf. Ceux qui sont partisans de la contagion et ceux qui nous paraissent les plus modernes sont en fait absolument incapables d'expliquer, sinon donc par les miasmes, les corpuscules ou les petites bêtes invisibles, un phénomène que manifestement ils ne maîtrisent pas. Donc les modernes ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et l'on doit rapprocher évidemment cela de la diffusion des idées de Newton, dont on sait qu'elles ont rencontré beaucoup de résistance, parce que l'idée d'une attraction qui était invisible et que finalement qu'on n'arrivait pas à expliquer par les phénomènes mécaniques ordinaires, tout cela, évidemment, avait suscité beaucoup de réserves chez des esprits tout à fait rationalistes et que peut-être certains se sont laissés prendre aux idées de Newton parce qu'il y avait quelques souvenirs de l'influence astrale tout à fait ancienne, tout à fait archaïque. Alors, j'ai assez parlé, je n'évoquerai donc que je m'en tiendrai là pour la peste, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que, donc pour conclure, c'est que cette régence que l'on dit libérée et libertine, marquée par l'effondrement du système de l'eau, est également donc une régence qui est marquée par la peste. Mais cette peste, la raison donc ne peut en venir à bout, la raison ne peut l'expliquer. La médecine est impuissante. Néanmoins, l'esprit des lois le dira, on a imaginé de nos jours un moyen admirable de l'arrêter. On forme une ligne de troupes autour du pays infecté qui empêche toute communication. Montesquieu est de tout plus en courant que c'est son ami Berwick qui, étant installé à Montauban, dirige la ligne de troupes. Donc, nous avons un phénomène dont la raison ne peut venir à bout. Mais à l'impuissance de la science répond la capacité de l'homme à inventer les moyens de s'en défendre. Donc, faiblesse de la raison, puissance de la volonté. Et c'est ce que retiendra l'esprit des lois 25 ans plus tard. L'affaire de la bulle unigénitus est d'un tout autre ordre. Donc, elle va créer une faille qui ira s'élargissant pendant jusqu'au milieu du siècle. Et il me semble que là, évidemment, on a l'impression qu'on est dans le droit fil à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Mais la révocation, si j'ose dire, elle avait frappé les protestants. Elle avait, on peut dire, elle avait comme objectif, comme prétexte, de rétablir une certaine cohésion du royaume. L'affaire de la bulle ouvre un autre champ, beaucoup plus dangereux, parce que, à partir du moment où on veut forcer les sujets à penser comme le roi, on entre dans l'intérieur des consciences. Et là, j'en vois un témoignage dans une ordonnance du 20 octobre 1721 qui défend les étalages de livres, à peine de confiscation, d'amende et de prison, mais qui s'étend, évidemment, qui concerne les écrits jansénistes, mais qui va bien au-delà. Je vous le lis. « Sa Majesté étant informée que la licence touchant l'impression et le débit des livres serait parvenue à un tel point que toutes sortes d'écrits sur la religion, sur le gouvernement de l'État et contre la pureté des mœurs, imprimés dans les pays étrangers ou furtivement dans quelques villes de son royaume, sont introduites par des voies obliques et détournées dans sa bonne ville de Paris. Et ils sont distribués par gens sans qualités et sans aveux, qui les colportent dans les maisons particulières, dans les hôtelleries, les cabarets et les cafés, et même par les rues, ou qui les débitent à des étalages de livres sur les portes, quais, parapets, carrefours et places publiques. » Inutile que je cite l'intégralité de l'ordonnance, mais il est clair qu'il y a une nouvelle peste qui s'est répandue dans le royaume de France. C'est la liberté de protester, de penser et de rire. Et elle a si bien gagné les esprits qu'il faut renouveler l'ordonnance régulièrement. Année terrible donc que cette année 1721, année de la peste de Provence et du Languedoc, année où se vide l'abcès du système, et où se prolongent, sans espoir de rémission rapide, les débats autour du jansénisme, mais aussi année où le pouvoir se découvre impuissant à lutter contre l'esprit répandu sur les portes, quais, parapets, carrefours et places publiques. Je vous remercie.